Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et il est l'heure de retrouver Mélanie Jean qui nous parle aujourd'hui de la corne de rhinocéros qui ne serait rien de plus que de la kératine, la même kératine que nous avons dans les ongles. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et oui, malgré des années d'efforts pour la protection de ce symbole africain, le braconnage des rhinocéros pour leurs cornes, qui est exploité en médecine traditionnelle asiatique, a vraiment augmenté de façon exponentielle depuis quelques années. Mais heureusement, il y a des études qui se font de plus en plus pour prouver, justement, comme tu viens de dire, que c'est uniquement de la kératine et que c'est complètement... Pas de vertu là-dedans. Exactement, qu'il n'y a pas de vertu particulière. Donc, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui est vraiment intéressant. Et donc, c'est une étude qui a été publiée par l'Université Laval. Mais avant de vous en parler, je vais faire un petit retour sur le braconnage du rhinocéros. Pourquoi il est braconné et puis qu'est-ce que ça peut rapporter sur le marché noir? Donc, entre 70 et 80 % de tous les rhinocéros du monde vivent en Afrique du Sud. Et malgré qu'il y ait des réserves, le commerce illégal des cornes de rhinocéros dans les derniers 10 ans ne fait qu'augmenter. Par exemple, en 2007, on en comptait seulement 13 qui avaient été abattus. Et en 2010, on monte à 333. Ah oui. En 2011, on monte à 448. 668 en 2012, 1200 en 2014, environ 1000 en 2016. Donc, à ce rythme-là, il y a même un groupe de gestion des rhinocéros de la communauté d'Afrique australe qui dit que le nombre de morts par année risque de dépasser le nombre de naissances. Oui. Et là, à ce moment-là, l'espèce s'engagerait sur une voie inexorable de déclin parce qu'elle ne peut plus se régénérer. Et on se rappelle qu'elle a frôlé l'extinction au 19e et 20e siècle. Ces herbivores, donc, reviennent vraiment de loin parce qu'ils ont subi beaucoup de chasses et souvent très illégales. Les rhinocéros noirs et blancs, c'est les deux sous-espèces africaines, ils avaient pratiquement disparu. Mais dis-moi, en fait, si les rhinocéros sont braconnés à ce point-là, ça suppose quand même que la corne de rhinocéros vaut de l'or. Et ça vaut même plus cher que de l'or. Ah ouais? Selon la taille, une corne de rhinocéros peut se vendre, selon certaines sources, entre 25 000 et 200 000 euros. En moyenne, on dit 50 000 euros par kilo. C'est souvent sous forme de poudre qu'elle va être utilisée. Et là, les vertus qu'on lui porte, c'est combattre le cancer, combattre la fièvre et même être aphrodisiaque. Et la liste des soi-disant propriétés guérissantes est assez longue dans la médecine traditionnelle asiatique. Mais pourtant, comme on vient de le dire en début de chronique, c'est composé de kératine. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos cheveux et nos ongles. Fait que si vous voulez peut-être soigner votre fièvre, vous pouvez vous ranger les ongles, ça va être aussi efficace. Donc, cette espèce de potion magique qu'on fait avec la corne broyée aurait pas vraiment plus d'effet que si on faisait ça avec des cheveux. La corne n'a absolument aucune propriété thérapeutique. Et malheureusement, les braconniers sont vraiment très, très bien organisés. Souvent, ils ont des complices sur place, dans des endroits stratégiques. Et récemment, on observe aussi de plus en plus de morts dues à des tirs de fusils de gros calibre qui sont habituellement utilisés par les professionnels de la faune sauvage. Donc, c'est des indices qui laissent... qu'on voit sur place aussi, il y a même des gens qui viennent en hélicoptère. Ah oui? Donc, ça indique l'émergence d'un marché qui est vraiment alimenté par... un certain secteur qui serait corrompu. Donc, à la recherche de solutions dissuasives, il y a certains propriétaires de réserves privées en Afrique. Ils n'ont pas d'autres moyens que de payer des patrouilles armées, carrément. C'est le cas d'ailleurs dans le fameux parc national de Kruger, qui est un des plus connus en Afrique du Sud. Pour vous donner un exemple, en 2012, ils ont arrêté pratiquement 200 personnes qui faisaient du braconnage, qui ont tenté d'écorner un... maintenant aussi, ce que le parc font, c'est qu'ils écornent eux-mêmes leurs animaux. Ah oui. Parce qu'au moins, eux, ils le font peut-être d'une façon un peu plus délicate. Ouais. Et donc, c'est assez difficile aussi de faire ça parce que la corne, elle va toujours repousser. C'est comme nos ongles, c'est comme nos cheveux. C'est ça. Et il y en a aussi qui ont comme stratégie d'injecter du colorant, même des substances toxiques dans les cornes pour éviter que l'animal soit capturé. Mais sais-tu, la semaine dernière, j'entendais aux nouvelles de France 2, il y avait un rhinocéros dans un zoo parisien. La corne a été volée, justement. Ah oui? Oui. Donc même les zoos... sont pas à l'abri. Les jardins zoologiques sont obligés de mettre des caméras, des systèmes de surveillance, parce que les gens s'intéressent vraiment à la corne de rhinocéros. Donc. T'as vu les montants, je disais. Ouais, c'est ça. Effectivement, ils disaient que ça valait plus cher que l'or. C'est ça. Plus qu'un lingot d'or. C'est fou. Mais si ce braconnage existe, c'est qu'il y a une demande, il y a un marché. Donc ils sont où, les acheteurs? Mais la Chine, autrefois, était une grande consommatrice, mais heureusement, elle réussit quand même assez bien maintenant à faire respecter l'interdiction de vente et de trafic de cornes. Mais la principale demande vient du Vietnam. Donc, ah oui. Plus dans le sud de l'Asie. C'est dans ce pays-là que la corne là, est même consommée en cocktail. C'est super populaire. C'est une mode, là, vraiment, qui est en recrudescence et ça alimente le braconnage en Afrique. Là, ce qui est populaire, là, c'est dans les soirées, ben, là, les jeunes Vietnamiens, ils se font des cocktails qui contiennent de la poudre de rhinocéros. Ah, ouais. Et là, ils sont persuadés que ça va améliorer leur performance sexuelle, que ça va... Pff, toutes sortes de croyances. Mm-hmm. Donc, apparemment, ils ignorent, par contre, qu'à des milliers de kilomètres de leur ville, ben, ils alimentent une industrie du braconnage. Exactement. Et certains pensent que la corne de rhinocéros facilite aussi la détoxication du corps. Mm-hmm. Surtout quand on a pris de l'alcool ou qu'on a mal mangé. Il y a des consommateurs fortunés qui ont pris l'habitude de se faire... nous, on se fait des fois des petits détox en produits naturels, mais eux, ils se font des détox en poudre de corne de rhinocéros après avoir consommé de l'alcool. Même des fois pour un supposé remontant contre la gueule de bois. Mais... Puis les croyances ont vraiment la vie dure. Il y a un spécialiste en médecine traditionnelle vietnamienne qui dit que la corne de rhinocéros est utilisée même pour prévenir et guérir le cancer. Ouais. Et les gens là-bas croient ça vraiment. Mm-hmm. Et puis les vendeurs ont des listes d'attente de plusieurs mois pour acheter de la poudre. Ah oui? D'accord, c'est très en demande alors. Oui. Ouais. Et donc, en fait, la corne de rhinocéros, est-ce qu'elle a des propriétés particulières en fait? Mais justement, le directeur de la conservation et de la recherche au zoo de Granby, M. Patrick Paré, voulait en avoir le cœur net. Donc, M. Paris essaie d'agir pour la conservation des rhinocéros dans la nature parce qu'il sait que le principal problème, c'est le braconnage. On les tue parce qu'on croit à ses supposées vertus thérapeutiques. Il y a quelques études qui ont déjà approfondi la question, mais il y avait quand même toujours leurs limites. Donc, M. Paris a parlé de son projet autour de lui. Et le nom d'un chimiste, M. Normand Voyer, qui est professeur à l'Université Laval, lui est souvent revenu sur plusieurs lèvres. Mm-hmm. Les gens lui parlaient de lui, donc il s'est dit, je vais lui donner un coup de fil. Donc, M. Paré a donc envoyé un échantillon de cornes de rhinocéros au professeur Voyer. Le zoo de Granby, quand même, possède plusieurs cornes, donc qui avaient été prêtées par le gouvernement fédéral, qui ont été saisies à la douane. Mm-hmm. Et ça... Je fais une parenthèse, ils sont seulement utilisés à des fins là, pédagogiques. Mm-hmm. Le zoo a aussi deux rhinocéros en vie, donc ça leur arrive de perdre des petits morceaux de cornes. Donc, pour brouiller les pistes, il a aussi envoyé des échantillons de cornes qui proviennent de d'autres animaux qui ne sont pas identifiés. Parce que le but, c'est de travailler en aveugle pour permettre de ne pas biaiser l'échantillon et pas biaiser l'étude non plus. Donc, à l'Université Laval, les chercheurs ont ajouté même des ongles humains afin de comparer, et même des cheveux humains aussi pour certaines caractérisations. Et là, ils ont sorti l'artillerie lourde. Mais qu'est-ce que c'est, cette artillerie lourde? Là, on a passé les échantillons à la spectroscopie Raman. Ça, c'est pour caractériser la structure microscopique des éléments. Après ça, on passe à la fluorescence au rayon X. Et là, les chercheurs ont détaillé vraiment là, toute la composition chimique exacte de ce qu'ils avaient sous la main. Et là, même l'étude est quand même en cours, mais le chimiste de l'Université Laval a quand même... d'ailleurs, c'est cette semaine ou la semaine dernière qu'il a dévoilé des résultats préliminaires à la presse. Et ceux-ci sont super clairs et révélateurs. Les trois cornes de rhinocéros, exactement comme les ongles et les cheveux, sont composés de kératine, qui est une protéine fibreuse qui est synthétisée par les êtres vivants. Donc, la structure de la kératine des cinq échantillons, elle était totalement identique. Mm-hmm. Et était orienté exactement de la même façon. Donc, il n'y a aucune différence significative qui a été détectée. La fluorescence au rayon X a confirmé que les cinq échantillons sont formés des mêmes éléments chimiques à pratiquement toutes les mêmes proportions. Mm-hmm. Donc, c'est exactement le même élément. Donc, selon le chimiste de l'Université Laval, l'analyse démontre que les vertus thérapeutiques uniques qu'on prête parfois aux cornes de rhinocéros sont absolument pas justifiées. Et maintenant, le chimiste compte maintenant faire d'autres analyses pour... rendre les résultats encore plus robustes et les publier dans une revue scientifique parce que le but, c'est justement de répandre la bonne nouvelle. Ouais. Et là, au rythme où va le braconnage, les experts prédisent qu'il n'y aura plus de rhinocéros en Afrique du Sud dans 40 ans. Ouais, donc, cette étude-là, ça arrive vraiment au bon moment. Et avec la croissance économique en Asie, les gens ont de plus en plus d'argent pour acheter des soins, acheter des choses un peu exotiques et dispendieuses. Et la croyance en toutes les vertus de la corne comme remède miracle contre le cancer, ben, est encore beaucoup trop en vogue. Ouais. Donc, il y a vraiment une éducation qu'il faut qu'il se fasse là-bas, et, mais partout aussi, parce qu'avec des études comme ça, c'est ça, ce qu'il faut. Il va falloir multiplier ce genre d'études pour que ça vienne à vaincre les croyances qui ont la vie dure. Oui, il faut que ça se rende jusqu'en Asie. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on fait un autre voyage, cette fois-ci dans les îles du Pacifique avec Marie-Claude Dionne.